Bon, le sujet de la soirée, garder conscience dans la crise. En principe, une crise, c'est une situation d'obstruction à ce que, évidemment, votre volonté voudrait bien que ça se passe d'une certaine façon. Donc, vous avez une obstruction à une attente, à une motivation que vous avez de vous engager sur un terrain quelconque. Et puis, cette obstruction-là a suffisamment de résistance ou de puissance pour empêcher littéralement votre volonté d'agir. Conséquemment, ça engendre chez vous une tension extrême, éventuellement une crise. Une tension, c'est pas une crise en soi, c'est simplement une occasion d'affirmer votre autorité, votre présence, votre intensité. Par contre, quand c'est rendu au stade de la crise, c'est parce que là, vous commencez à désespérer d'avoir une solution. Et conséquemment, vous commencez à regarder à l'extérieur de vos propres ressources ce qui pourrait vous permettre d'être accompagné pour avoir cette fameuse solution qui vous manque et souvent d'avoir des ressources qui vous manquent pour que dans cet accompagnement-là, vous puissiez éliminer le terme crise pour que ça soit simplement une tension, puis éventuellement une occasion de faire face à un succès parce que vous allez être capable de vous défaire de la crise, tout simplement. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'une personne qui s'expose à une situation d'expansion quelconque, donc de volonté de s'en aller sur un terrain qui est peut-être des fois nouveau, des fois il est connu, mais il se présente des événements nouveaux qui affichent un obstacle à ce que vous pouvez vouloir construire ou ce que vous pouvez vouloir trop, vouloir agir. Et ça vous met en situation de tension dans un premier temps, éventuellement situation de crise. Et là, évidemment, si je parle d'un accident, ben là, la situation de tension est très, très courte. On parle de fraction de seconde. Et vous êtes placé dans la crise inévitablement parce que là, on parle d'un accident. On parle de quelque chose qui peut être lié à une perte de contrôle ou tout simplement un événement de température ou un événement, là aussi, c'est le manque d'électricité. Puis là, ben, vous êtes en train de taper le document de votre vie, votre CV, quoi. Et puis là, poup, poup, d'électricité, vous perdez toutes vos données, ça fait 8 heures que vous travaillez dessus. Et ça, c'est une situation de crise pour ceux qui font de l'informatique. C'est pas dangereux physiquement, mais c'est une occasion de prendre de l'aspirine ou décontaxer. Donc, on comprend facilement qu'une crise, c'est le dévoilement d'une impuissance à votre ego et que c'est une situation qui peut devenir très problématique, voire excessivement dangereuse, si une personne n'est pas capable d'y faire face. Pourquoi je dis dangereux? Parce que dans le cas d'un accident, évidemment, une perte de contrôle, il y a un caractère fatal. Vous allez frapper quelque chose, vous allez vous briser, vous allez être affecté dans votre vitalité, dans votre santé. Dans le cas de la finance, une crise, ça peut être une perte à la bourse, ça peut être une perte avec un hors-bourse, et ça peut être une perte sous bien des formes. Un ticket, exemple, c'est une perte. Plus vous allez vite, plus la crise peut être forte. Le ticket étant plus gros. Et inévitablement, une personne qui est dans cette situation-là, pas prévu dans son budget, un montant de 1 000 quelques dollars à dépenser et quelques points de démérite qui peuvent mettre en danger sa survie sur la route parce qu'elle a besoin de son auto pour pouvoir se rendre à son travail. Conséquemment, une crise, c'est quelque chose qui donne à l'individu une vision d'une limite. Donc, la crise a toujours des conséquences négatives parce qu'elle vous fait voir que vous manquez d'invincibilité. Si une personne augmente dans sa vie sa lecture des événements, augmente la capacité réflexe de résoudre, à partir d'une bonne lecture, les zones de tension qui se présentent dans sa vie. Une personne est bien accompagnée, donc elle a des contacts, non pas simplement le contact, mais des contacts, et conséquemment, il dispose de ressources. Vous avez une bonne lecture, c'est une ressource. Quand je dis une bonne lecture, ça veut dire une bonne interprétation de l'information qui est en mesure d'être apparue ou qui va apparaître en situation de tension et juste un petit peu avant la crise. Donc, vous êtes capable d'agir rapidement. C'est parce que vous avez des ressources. Quand vous êtes paralysé dans votre action, c'est parce que vous manquez de ressources. La première grande ressource, c'est une bonne lecture. La deuxième ressource, c'est une capacité d'être accompagné parce que vous ne pouvez pas être compétent ou fort dans toutes les situations, c'est impossible. Il faut que chaque individu ait accès à au moins des gens qui peuvent le financer. Ça peut être une banque, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi qui est en mesure de vous remplacer dans la situation de crise. Une femme, exemple, n'est pas assez forte, elle est attaquée par une personne, il y a un homme qui se présente pour la défendre, il est assez fort pour faire face à la situation, il intervient, il résout le problème. Elle n'était pas capable de résoudre le problème, il y a quelqu'un qui l'a accompagnée et conséquemment, elle est libre de cette crise-là, donc de cette situation-là. Donc, l'accompagnement, la bonne lecture et des ressources peuvent permettre de résoudre des crises. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne lecture? Bon, évidemment, avant qu'il se présente une tension dans votre vie, il y a une atmosphère, on appelle ça le destin, qui vous place en situation de tension pour devoir vous permettre de faire face à une résistance pour augmenter votre contenance, pour augmenter votre autorité devant un potentiel d'expansion que vous recherchez. Donc, avant qu'il y ait crise, il y a tension, et la tension, c'est dans votre destinée. La crise n'est pas dans votre destin. La crise fait partie d'une accumulation de tensions qui n'est pas résolue avant de s'exprimer. La crise, j'entends. Donc, si vous avez des tensions, c'est normal. Si vous avez des crises, c'est anormal. Une crise, c'est une conséquence d'un manque d'intelligence. Vous êtes intelligent, vous n'aurez jamais de crise. Vous êtes sous tension régulièrement, c'est normal. Une personne qui est très intelligente a nécessairement beaucoup de tension parce que c'est une nature expansive par principe. Une personne très électrique, très intense, est naturellement portée vers l'expansion. Donc, elle est soumise constamment à des situations de tension et donc à des potentiels de crise. Quand vous êtes rendu au stade de la crise, parce qu'il y a des tensions que vous n'avez pas été capable de résoudre, soit parce que vous n'aviez pas l'intelligence pour la régler, soit vous n'aviez pas l'accompagnement pour la régler, soit que vous n'ayez pas une quelconque ressource matérielle ou sociale, ou peu importe la forme de support qu'il vous fallait. Vous manquiez de ça. Et ça, à ce moment-là, ça vous place dans une situation excessivement aiguë. Et conséquemment, quand vous manquez d'un de ces trois éléments-là, manque de lecture, manque de ressources et manque d'accompagnement, automatiquement, la crise apparaît. Mais ça, c'est pas dans votre destin. Ce qui est dans votre destin, c'est les tensions. C'est normal d'avoir des tensions parce que c'est normal qu'il y ait une tension pour développer de la contenance. Vous ne développez pas de la contenance avec de la facilité. Vous ne développez pas de la contenance avec des réponses qui viennent des autres. Vous développez de la contenance avec la capacité de vibrer, de penser des réponses et d'agir. Là où les gens ont le plus de problèmes devant une tension, c'est la capacité d'action devant ce qu'ils lisent. Vous avez une bonne lecture? Pas de problème. Est-ce que votre lecture s'applique dans l'action? Si vous me donnez la réponse non, vous allez vivre une crise. Parce que la tension doit être réglée par une action. Vous savez, une lettre d'impôt, c'est une tension, ça? En tout cas, pour moi, ça en est une. Vous avez les ressources, mais vous dites, « Ah, oh, bon, payez ça quand j'ai le temps. Là, je n'ai pas le temps aujourd'hui. » Il arrive, vous l'oubliez. Mané, il vous envoie un papier comme quoi il augmente votre cotisation de X montant parce que vous êtes en retard. Hop, là, vous pouvez prendre une crise pour ça. Mais c'est techniquement une tension que si vous ne passez pas à l'action, ça va amener à la crise. Là, je vous parle de quelque chose de banal. Quelqu'un vous dit qu'il devrait arrêter de fumer. Oh, ben là, j'aime ça, la cigarette. Là, à un moment donné, cancer du poumon. Oups-pélaï! Cancer du poumon, là, c'est une crise, ça, là. T'as pas été capable d'agir sur ton problème à un moment donné où t'as été averti. Parce que dans la lecture, il y a des avertissements. Il y a des événements de la vie qui vous avertissent de quelque chose. Et l'avertissement, c'est pas une histoire d'avoir peur. L'avertissement, c'est simplement les forces occultes, qui vous envoient à un individu pour vous dire, « Hey, oups, t'as ça, là. Il y a un problème à régler. » Peut-être que le voisin, lui, a réglé ça. Lui, ça le dérange pas de fumer, il va mourir demain. Mais toi, ça te dérange, tes poumons plus fragiles. À la naissance, tu n'avais pas une biologie, tu n'avais pas une structure cellulaire pour supporter cette problématique-là indéfiniment. Tu avais une échéance, ta canne de lait, et puis ça te disait, là, à ce moment-là, de réduire, et tu n'as pas réduit. Et conséquemment, tu t'es placé en situation de problème. Bon, donc, problème de lecture. Après ça, ben ressources. C'est quand t'es malade, si t'as pas d'assurance pour la maladie que t'as, ben là, tu te retrouves avec un manque de salaire, tu peux pas travailler. Fait que là, t'es pris à te poser la question, maintenant, est-ce que j'ai de l'accompagnement? Si vous avez pas d'accompagnement, ben là, vous allez vraiment mourir dans votre garde-robe comme un chien. Et conséquemment, ben là, c'est plus qu'une crise, c'est la fin. Il y aura plus de crise quand t'es mort. Il va en avoir une quand tu vas revenir au monde par le principe de la réincarnation. Parce que tu vas avoir en compte ton problème de tête de cochon à régler devant une situation que quand il y avait un problème, une tension, tu ne l'as pas résolu, t'as attendu, puis là, pouf, il y a un problème. Donc, pour les gens, une crise, c'est une situation de perte de contrôle, mais pour un gars comme moi qui est toujours en lecture psychique, c'est vécu comme des tensions où il y a des solutions apportées par, en premier, une bonne lecture, en deuxième, par un bon accompagnement, puis en troisième, par des ressources qu'il faut que tu déniches en quelque part pour pouvoir arriver à fonctionner. Si vous avez compris la procédure de la lecture, bien souvent, vous n'aurez pas besoin de vous rendre à l'accompagnement ou vous n'aurez pas besoin de vous rendre à la ressource. L'accompagnement, c'est ceux qui connaissent Bernard de Montréal, il disait tout le temps, c'est très important de faire de l'interface. On n'est pas intelligent tout seul. On est intelligent quand on met la communication en dynamique. Donc, si vous placez votre mental en dynamique avec un autre mental, qui est plus sa vibration est haute, plus il est capable de fouiller loin ou occultement ou psychiquement, bien, vous allez avoir des avantages d'être accompagné par ces gens-là parce que ça va mettre en relief des aspects de la lecture qui sont plus subtils. C'est plus facile de se voyager dans une ville avec un GPS qu'avec des arrêts au stand de gaz pour lui demander où ce que telle rue est. Il y a des fois, il y a dans les stations d'essence, des gens qui le savent, puis il y en a d'autres qui le savent pas. Puis avec un GPS, ben, t'as pas besoin d'arrêter ton auto. Tu peux y aller direct. Bon, ben, une lecture psychique, une lecture occulte, une lecture qui vient des forces, c'est une lecture au GPS. Une lecture qui est par rapport à votre mémoire, donc par rapport à ce que votre ego a accumulé comme expérience, ben, c'est un arrêt au stand de gaz, au stand d'essence. Et puis là, évidemment, ça a des contraintes, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'amuser à vous donner de la fausse information, ce qu'on appelle les entités dans l'astral, et ça peut aussi vous placer dans des situations d'angoisse puis d'anxiété où vous savez pas qui demander, vous êtes des fois gêné de le demander, donc conséquemment, vous êtes placé dans une obscurité, une difficulté de vous approcher de la solution, et conséquemment, ça vous met en crise. Toutes les gens que j'ai vus en crise dans ma vie, c'était des gens mal informés à la base, donc qui avaient sauté un avertissement, qui avaient été perturbés par l'influence de d'autres individus qui étaient également en crise. Et c'est ce qui amène souvent les gens, comme je pense aux gens là, qui sont en Égypte, puis qui vivent une sorte de révolution vis-à-vis de leur pays, les gouverneurs de leur pays. Et je me dis tout le temps, c'est plate pour ces gens-là, parce que quand ils sont placés devant ces situations-là, ils ont une lecture qui est collective, donc qui n'est pas individualisée. Donc, plus votre lecture est basée sur une influence de d'autres, bien, moins votre lecture est bonne. Votre lecture, c'est toujours personnel. La bonne lecture, c'est pas la lecture d'un autre. C'est une lecture qui a été confirmée par vous, pour vous. Ça peut être très bon pour 1000 individus, puis pour vous, ça l'est pas. Présentement, je m'informe pour un auto, parce que je t'ai appelé à changer d'auto. Et puis, je m'informe pour un auto qui est plus économique. J'en ai déjà une qui est pas pire. Elle fait à peu près 10,2 litres au 100, ce qui est bien pour un 6, qui marche aussi 250 chevaux, ça déménage. Mais j'en veux encore plus économique, comme mon bicycle à gaz à 6,5 litres au 100. C'est diesel, il faut que j'aille. Là, il y a un de mes chums, il dit, j'en ai un diesel. Puis il dit, c'est ça, on fait ça, à peu près 6,5, 6, sur l'autoroute des fois 5,5. Il dit, je fais 1000 à 1200 kilos qu'une tank. Hey, c'est bon ça, là. Puis il dit, mieux que ça, il dit, je mets de l'huile à patate frite dedans. Hein? Il dit, ça me coûte rien. Il dit, moi, je vais libérer les restaurants de leur huile à patate frite usagée. Je dis, c'était en quelle année ton chose? Et il dit, en 2010. C'était encore sa garantie. Il dit, oui, j'ai 26 000 kilos. Ben, il dit, ça affecte pas le moteur. Il dit, ça roule parfait. Il dit, même, il roule mieux à patate frite qu'au diesel normal. Il dit, le seul problème, c'est pour les gens qui me suivent, ça sert qu'à balle à patate. Lui, quand on dit, l'essence va augmenter, c'est pas une crise. C'est même pas une tension. Parce que son véhicule, si l'essence monte à 3 piastres le litre, lui, ça coûte toujours rien. OK. J'étais voir les Jetta. Je trouve pas ça très, très sexy. Mais ça a l'air efficace pas mal, vu sous cet angle-là. Ce que je veux mettre en relief, c'est qu'une personne m'informe, et tant que moi, je n'ai pas la certitude, c'est vrai pour lui, mais c'est pas vrai pour moi. Là, c'est encore une tension pour moi, ça. Ça, c'est, hey, c'est 30 000, 25 à 30 000 un Jetta. 30 000, là, comme moi, j'aime, bien équipé, là, avec l'intérieur en semi-cuir. Et puis, tu sais, sors du garage, t'as à peu près 100 kilos de fête, puis là, faut t'aille chier de l'huile canola, tu mets ça dans ton auto flambant neuf. Oupé-là! J'aurais beau voir mon chum prendre son propre galon de canola puis le mettre dans son Jetta, il va me rester une petite tension. Parce que c'est pas moi qui ai vérifié. C'est lui qui a vérifié. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que les autres savent pour eux autres, c'est pas une garantie pour vous autres. C'est ça que je veux mettre en relief. Donc, si vous êtes dans un processus de tension et que vous allez chercher un accompagnement parce que vous pouvez pas résoudre votre problème de tension, tant que c'est pas du vécu personnel, votre accompagnement, il reste virtuel. Il n'est pas concret. Je comprends qu'avec une certaine naïveté spirituelle, on puisse croire aux autres. Mais dépendant du type d'investissement que vous avez à faire, genre le gars part en voyage pour 3 mois, puis son voisin dit « Je vais m'occuper de ta femme. » Comment tu vas t'en occuper? Avec toutes les atouts que j'ai, inquiète-toi pas. Donc, si vous avez une quelconque bibitte qui flotte dans votre cerveau et qu'une personne vous offre un accompagnement, vous pouvez très, très, très bien être dévié dans l'interprétation de l'information et voire même de la prise en charge que l'autre est prête à faire de vous pour résoudre votre problème, donc votre tension. OK? Je ne veux pas vous faire dire que vous n'êtes pas assez intelligent pour voir clair, mais je vais vous faire voir que quand on ne voit pas clair, savoir se faire accompagner, c'est un art. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une bonne lecture de celui qui va résoudre ton problème. Il y en a dans la vie qui sont chanceux. Ils rencontrent les bonnes personnes tout le temps. Mais il y en a dans la vie qui ne sont pas chanceux et qui rencontrent toujours les mauvaises personnes tout le temps. Faut-tu le saches, ça aussi, là? Fait qu'il te faut une personne que tu rencontres une fois qui a une bonne lecture des autres, puis qui te dit, écoute, tu peux aller à tel garage pour réparer ton auto, tu peux aller à telle place, c'est pas cher, puis ça va te donner des gros coups de main. Donc, bien être accompagné quand on a un problème de lecture, c'est vital, mais c'est pas facile d'être bien accompagné. Donc, ça devient important pour les individus qui sont dans une progression devant leur destin, qui sont, évidemment, quand moi je parle de progression, je parle d'une expansion. Tout le monde veut avoir le succès, tout le monde veut avoir de la reconnaissance, tout le monde veut qu'on l'aime, tout le monde veut que l'argent rentre facile. Tu sais, tout le monde veut le gros lot, quoi. Tu sais, tout le monde veut avoir quelque chose que sa vie est toujours un plus le lendemain puis le surlendemain. Ça, le problème, c'est qu'à chaque plus que vous ajoutez, vous avez une tension à faire face avant. Il y a toujours un ticket à payer de pression, de limitations, d'obstacles devant une expansion dans votre mode de vie, dans votre progression personnelle. Toujours. Toujours. Faites le bilan de votre vie. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement avantageux dans votre vie, il y a toujours eu une source de déception ou une source de mal-être, une source d'obstacles qui a précédé ça. Ça ne s'est pas fait comme ça, c'est un claquement de doigts. Donc, en d'autres termes, j'ai déjà fait des CD sur l'intelligence du mal, sur les lois de contraction et d'expansion. Très bon CD en passant. Ceux qui l'ont pas, ça devrait faire partie de vos, de votre table de chevet avec un CD là-dessus. Là. Et puis, on est en mode du MP3 maintenant. Vous pouvez avoir des petites bebelles, mettez votre clé USB, snappy, puis d'ici, on part. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la vie se charge de donner aux gens une ligne de pensée qui est « tu le mérites ». Tu sais, on dit tout le temps « ouais, il faut qu'il le mérite s'il veut l'avoir ». Bon, ben ça, ça vient d'une sagesse, donc d'une observation que les anciens ont faite sur le fait de pouvoir disposer d'une ressource ou d'un avantage quelconque. Bon, vous pouvez mériter des choses de par votre naissance, dans votre programmation karmique, d'avoir certains avantages, mais il reste que pour certains avantages, peu importe le karma que vous ayez, facile ou pas, il y a toujours quelque chose qui demande de le mériter. Donc, il doit faire figure, exemple, d'une étude avant d'avoir la reconnaissance d'une certaine autorité. Et c'est quelque chose qui ne se dénigre pas parce que la personne a appuyé ça sur un vécu. Tu sais, quand tu as vécu quelque chose, tu sais, quelqu'un a beau dire, wow, tu m'en racontes, là, tu as d'air à forcer la note, mais tu forces la note. Écoute, j'ai vécu ça. Ça, c'est pas, c'est indéniable. C'est réaliste parce que c'est indéniable, ça a été vécu. Tu n'as peut-être pas de vidéo, puis tu n'as peut-être pas de YouTube qui le présente à toute la planète, mais c'est du vécu. T'sais. Toi, tu peux le contester, mais moi, je ne peux pas le contester, je l'ai vécu. Bon, fait que vous avez l'autorité de votre vécu, mais vous avez aussi dans votre vécu des zones de tension qui ont dû être dépassées. Moi, je considère que quelqu'un qui va aller faire des études dans n'importe quel secteur de la société, soit des études dans de la mécanique ou des doctorats en sciences, ou peu importe la forme d'études que vous allez faire, c'est une tension, parce qu'il y a quand même un effort à faire pour l'étude. Si vous avez fait une étude et que vous avez été diplômé, bien, le diplôme, c'est en fonction d'un milieu, parce qu'il y a des gens qui sont diplômés médecins dans des pays, arrivent au Québec, puis c'est pas reconnu. Mais c'est quand même du vécu là-bas qui est vital pour eux autres à cette époque-là, dans ça. Et ce qu'ils ont connu ou ce qu'ils ont vécu, c'est un acquis. Qu'ils soient pas reconnus, ça, c'est une histoire de société ou de milieu dans lequel que tu peux, dans lequel tu vis. Mais ça demeure quand même pas moins que chaque personne a connu des tensions pour arriver à une perception d'un succès ou d'une perception d'une réalisation quelconque. Donc, ce que je veux mettre ici en relief, c'est que les tensions sont présentées dans votre vie pour vous permettre de faire comme une sorte d'étude de votre capacité d'intelligence de résoudre la problématique de la tension. Et plus vous êtes intelligent, plus les tensions sont grandes, parce que plus c'est grand comme tension, plus vous développez une contenance qui va en fonction de tout ce que vous avez à régler quand il va être question d'exprimer votre intelligence. Mais là, si, plutôt que d'exprimer votre intelligence, vous passez votre temps à vous faire accompagner, bien là, qui est-ce que vous pensez qui va avoir les honneurs de la situation? C'est l'accompagnateur. L'accompagnateur va pouvoir dire, j'ai fait faire ça à telle personne, ou j'ai fait ça pour telle personne, et puis éventuellement, bien, lui, il va se bâtir une réputation sur le fait, exemple, il va marquer dans son CV, j'ai travaillé pour telle compagnie, j'ai fait telle chose pour telle personne, puis il va dire, bon, ben ça, c'est à mon actif. Eux autres n'étaient pas capables, moi, je l'ai fait pour eux autres. Comprenez? Donc, une réputation, c'est une capacité de donner des solutions à des milieux, des entreprises, des individus qu'ils n'étaient pas capables, eux autres, qui n'avaient pas l'engineering, ils n'avaient pas l'intelligence de résoudre ça eux-mêmes, et donc on fait appel à un accompagnement ou à un accompagnateur pour le faire. Et c'est comme ça que la société se fait travailler. Tu sais, tu vas faire travailler quelqu'un parce que tu dis, moi, je suis pas capable de faire ça, donc lui, ils vont le faire à ma place. Puis ces jeux d'accompagnement-là permettent d'éliminer des crises. Donc, conséquemment, ce qui est une crise pour un est simplement une tension pour l'autre. Et qui dit tension, application d'une intelligence, donc d'une ressource mentale, d'une bonne lecture, et dit résolution de problème, dit salaire. Vous voulez savoir dans quoi travailler? Travaillez dans les problèmes des autres. Développez-vous une expertise à régler un problème ou des problèmes de certaines personnes autour de vous et vous allez travailler. Vous allez simplement dire, ben ça, là, ce que je fais pour toi, ça, ça vaut 10 piastres, ça vaut 50 piastres, ça vaut 1000 piastres, ça vaut 10 000 piastres. Ce que je veux mettre ça en relief, c'est que de l'accompagnement pour des gens en crise, c'est une source de salaire. C'est une source de travail. C'est un moyen de ne pas être sur le chômage. Si vous libérez de quelqu'un d'une crise, vous libérez votre vie d'une crise potentielle. En d'autres termes, si vous travaillez, vous avez, comme qui dirait, la possibilité d'aller régler vos propres problèmes, mais il faut avant commencer par régler les problèmes des autres pour régler vos propres problèmes. C'est comme ça que ça marche, la chaîne alimentaire. J'ai toujours dit, quand j'étais jeune, je vais améliorer ma vie à améliorer la vie des autres, pas l'inverse. C'est pas si les autres améliorent ma vie, je vais améliorer la vie des autres. Non, non, non, non, non. Ça, c'est penser à l'envers. Ça, c'est mauvaise lecture. La vie commence par le mal, elle finit par le bien. Mais, je vous le dis, c'est normal que ça aille mal. C'est pas normal que ça aille pas mal. C'est normal que ça aille mal. Mais quand ça va mal, le combat, la résultante du combat est à la mesure des solutions qu'on trouve. Mais normal que ça aille mal, ça peut aussi vous emmener dans un problème de santé. Normal d'aller mal, ça veut dire aussi que si vous n'avez pas l'intelligence, c'est les autres qui vont vous acheter, qui vont vous ramasser. C'est pas rare, les faillites, là. Fait que si vous êtes dans une situation de faillite, il y a quelqu'un qui va vous ramasser, qui va y tirer avantage. C'est pour ça qu'il y a des 24-25% d'intérêt. Tu sais, 24-25% d'intérêt, là, tu sais, fait ça par année, évidemment. Il y en a que c'est par semaine, là. Mais ça, on n'en parlera pas de ceux-là. C'est ceux qui jouent au casino qui pensent qu'ils vont se faire. Mais le point que je veux faire voir, c'est que les gens qui tirent intérêt de la souffrance des autres, c'est des gens qui ont des ressources, des solutions pour celui qui est en crise. Donc, vous êtes en crise, vous manquez d'intelligence, vous vous mettez en situation de risque, de problème, vous avez une mauvaise évaluation de vos ressources, vous n'avez pas d'accompagnement pour pouvoir le faire comme il faut, problème. Mais vous expliquez une chose bien simple. Savez-vous à quoi ça sert le couple? À vous empêcher d'avoir des crises. On est en couple parce qu'il faut passer à travers la vie. Pas pareil. Très, très possible que vous soyez capable de vivre votre vie tout seul. J'en connais des centaines de personnes qui passent la vie, qui passent à travers la vie, à travers les tensions de la vie, à travers les crises de la vie, tout seul. Puis je vous jure, ils sont pas pires que les gens qui sont en couple. OK? C'est juste qu'il faut avoir des cristis de bonnes ressources, il faut avoir une maudite bonne lecture de la survie, il faut avoir une compréhension très, très, très exacte de qu'est-ce que nos ressources nous permettent et qu'on s'en tienne à l'intérieur de ces ressources-là. Il n'y a pas de problème. Le couple, c'est pas de nécessité. Mais le couple, pour les gens qui sont fragiles émotionnellement, pour les gens qui n'ont pas des ressources à n'en plus finir au niveau économique, puis pour les gens qu'ils sont en crise parce qu'ils sont juste seuls. Ça, le couple, c'est fondamental. Les gens qui traitent mal avec la solitude, qui traitent mal psychologiquement avec, je vous dirais même pour certains dans le couple, puis là, je dis pas c'est les hommes ou les femmes, je vous laisse découvrir ça tout seul, qui ont un besoin flagrant de dominer, il leur faut un couple. Parce qu'il y en a toujours un qui va botter le cul à l'autre. Tout le temps. Tout le temps. Puis je vous le dis, là, je vous dis pas que c'est une femme ou un homme. Je vous laisse deviner. Fait que la situation est donc que commencer la vie avec une bonne lecture, ça vous élimine bien des problèmes, puis ça vous élimine beaucoup d'obligations d'être accompagné, puis beaucoup d'obligations d'avoir beaucoup de ressources. Ça, c'est un point. Et une personne qui comprend cette mécanique-là, quand il y a un problème qui se présente, donc quand il y a une tension, va toujours appliquer à la tension une lecture. Que plus cette lecture-là, elle est précise, moins ça va être nécessaire d'aller à la crise qui souvent, elle, va demander de l'accompagnement. Et évidemment, quand je dis ressources, moi là, je m'entends toujours à dire que ça passe souvent par l'argent. Bon, OK. Vous avez un destin difficile. Tout le monde n'est pas né égal. Hein? Votre destin, il s'applique, évidemment, chacun son registre, là, mais il s'applique soit dans une zone locale dans une zone plus large que locale, on va dire provinciale, ça peut être un pays, ça peut être l'universel. Quand vous attaquez à des marchés qui sont comme Internet, qui sont mondiaux, c'est sûr que ça a de l'air que vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour vous analyser sur Internet. Mais il va vous falloir des réseaux pour avoir de l'accompagnement. C'est là ton affaire, toi, là, de placer tes idées dans le réseau. Mais c'est parce qu'une idée, c'est récupérée par un homme d'affaires. Puis l'homme d'affaires, lui, comme il a les moyens financiers d'utiliser cette idée-là, lui, c'est lui qui fait le cash. Pas sûr qu'il va le partager avec toi, là, parce que lui, il va dire, si j'ai pas de contrat, j'ai pas d'obligation. T'entends? Ça devient très important pour les gens qui ont des bonnes lectures de leurs ressources et de leur capacité d'accompagnement, là, je te parle à toi, de savoir contracter. Pas contracter dans le sens de faire des contractions aux autres, là, mais de les mettre sous contrat. Donc, dans une entente qui est formelle pour que leurs ressources puissent être distribuées dans... C'est là que les gens, les publicitaires, ceux qui font de la publicité, vont chercher avec des bannières, des... sur le bébé, tu sais, un moyen de se... l'audit de finances, là. Et une crise que vous êtes capable de résoudre chez les gens, ça demande toujours un salaire. Tout le temps. Salaire, c'est pas trop de l'argent. Des fois, ça peut être un service. Ça peut être... t'sais, moi, quelqu'un m'accompagne dans un secteur X, puis ça m'améliore ma vie, ben moi, je l'accompagne dans un secteur X. Mon gars qui m'a fourni l'info pour le diesel... lui, il tripe ses armes. Fait que j'ai emmené un paquet de douilles. Puis lui, il mettait ça dans sa collection. Il ramasse les douilles. J'ai dit, si un moment donné, tu veux, là, j'ai dit, pour 25 cents la balle, je vais te mettre une balle, une boulet dessus. Mais je te mettrai pas de poudre ni quoi que ce soit. Je veux pas que ça te pète d'en face. Mais je peux te mettre un filet en dessous pour que tu puisses la visser sur un petit rack, là, tu sais. Échange. Moi, j'ai ça dans la tête tout le temps, tout le temps. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Je te donne, tu me donnes. Tu sais. Pou, pou, pou. Puis c'est comme ça que je mène ma vie depuis l'âge de 17 ans. J'améliore ma vie en améliorant la vie des autres. Ça, c'est ma règle de vie, ça, personnellement. Donc, j'ai une lecture pour le qu'est-ce que je peux faire individuellement. Les Québécois, c'est très fort, ça. Le faire soi-même, individuel. Aller le demander à l'autre, la ressource ou l'accompagnement, en extrême limite. Tu dis, moi, c'est d'être intelligent tout seul, puis j'irai voir les autres après, OK? Et puis ça, c'est une situation que, c'est moi, je vous dis, c'est très, très valable. J'ai cette nature-là, je suis très, très québécois, je pense comme ça. Mm. J'ai pas la psychologie de la collectivité très fort. Et c'est sûr que je pousse mes lectures aux limites de mes capacités. Mais comme je vous dis, moi, une lecture, c'est pas juste une compréhension de la situation, c'est aussi un test dans l'action. Il faut s'entendre sur le mot lecture. Moi, une personne qui me dit « je comprends », là, comprendre, là, si tu n'as pas d'action à côté à ça, là, tu ne comprends rien. Une vibration, c'est faite pour agir. Fait que tu vibres, tu peux comprendre juste à vibrer. Hein? Tu n'as pas besoin de passer ça par l'intellect. Il y a beaucoup de gens que je connais que l'intellect, c'est pas fort. Mais j'ai des chats chez nous. Des chats m'ont dit « ça pense pas fort ». En tout cas, le langage n'est pas tellement développé. Mais ça vibre en maudit, ben, ça vibre, là, quand tu cries dans la maison, là, c'est drôle, c'est une conférence pour eux autres. Ils comprennent drette, là, et ils sont vite sur le piton, ça part, ça court, ça se garoche au plafond, ça swing dans la cave, ils savent exactement quoi faire. Puis ils le font. J'ai jamais vu un chat, tu cries, il te regarde, puis il pense. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Donc, les animaux sont des fois beaucoup plus fins, beaucoup plus intelligents dans leur lecture que l'être humain. Bon, je veux pas commencer à m'étendre sur ce sujet-là, mais ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que si vous avez des lectures puis que vous pensez que juste penser, c'est ça lire, ben vous êtes dans le champ. Parce que lire, pour moi, ça suppose une action. Toute lecture doit être accompagnée d'un acte, d'un geste, d'une mesure par le mouvement, par l'aspect concret du geste, qu'est-ce que votre lecture veut dire? Sinon, parlez-moi pas de lecture, vous êtes des philosophes, des intellectuels, des gens qui, à la limite, peuvent m'emmener à les mépriser parce qu'ils font rien de leur vie. OK? Donc, tension égale pression sur votre personne pour vous empêcher de. Donc, allez pas me dire qu'à penser, vous allez régler votre problème, surtout si votre problème est lié à un problème de pensée. Si vous avez de la pensée qui vous crée une tension, c'est clair que si vous ne passez pas à l'action, vous allez rester avec votre tension longtemps. OK? C'est comme une envie de chier. Ça se pense pas. Tu te libères du problème quand tu y vas. C'est clair, ça? Puis ça, je laisse ça sur le CD, là. OK? Donc, c'est le même problème qu'une personne qui est en situation de crise doit avoir à régler dans la vie. Il faut qu'il y aille. Donc, il lit, mais lecture égale action pour vérification ou pour tout simplement se libérer du mouvement. Tu n'es pas capable, lavement du colon, ça c'est l'accompagnement. Ça arrive, tu es bouché, tu peux être bouché, ça arrive d'être bouché. Mais là, à ce moment-là, tu as besoin d'accompagnement. Fait que tu n'es pas capable de résoudre un problème, tu réfléchis trop, tu développes une névrose, tu es intoxiqué par en dedans. Un autre individu va te poser une couple de questions, il va dire « Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu penses ça? » Puis là, il t'arrive avec des suggestions, puis oups, la lumière se fait. Donc, tu arrêtes de réfléchir, par l'accompagnement, tu es en crise, mais tu te sors de la crise parce que tu es accompagné. Mais ça revient tout le temps au fait que si tu ne veux pas que la crise se représente, il faut que tu sois dans une action. C'est l'action qui arrête la crise. Et quand vous avez un problème de ressources, bien là, à ce moment-là, c'est parce que votre ressource qui n'est pas suffisante par vous-même, ça suppose que vous êtes dans une expansion qui est beaucoup trop grande pour votre capacité de contenir. Donc, vous êtes obligatoirement lié à d'autres. Parce que, tu sais, un projet, il y a des projets qui sont pensés par des gens que c'est excellent. C'est très, très, très, très, très bon. Par contre, la personne toute seule n'est pas capable de le faire. Parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à regarder, il y a trop de petits détails à ajuster constamment. Donc, pour réussir à s'en sortir, la personne a besoin de plusieurs éléments d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a des compagnies, on a des sociétés, on a des regroupements pour résoudre le problème parce que tu peux avoir une bonne idée, puis tu as besoin de 40 000 exécutants. Tu as besoin de beaucoup de gens qui vont se mettre sur le terrain pour l'exécution de la bonne idée. Donc, qu'il y ait dans une crise un problème parce que il y en a que c'est des concepteurs et que d'autres sont des exécutants. Ça, c'est une des grosses raisons pourquoi il y a des crises. Vous pouvez très bien être un exécutant qui a besoin d'idées pour vous permettre de machiner parce que vous êtes naturellement exécutant. Moi, souvent, quand j'ai à travailler avec des gens, je suis l'élément de conception avec eux autres. Je leur fais voir les choses et eux autres les exécutent. Mais si un individu commence à venir faire des concours de concepts avec moi, qui est consultant, ça risque de pas passer vite à l'exécution. Puis là, si ça passe pas vite à l'exécution, je peux moi dire, ben écoute, je débarque parce que ça aboutira jamais à rien, ton affaire, là. Donc, comme je vous dis, pour l'évolution d'un événement qui demande comme une quelconque expansion dans votre vie, la lecture, plus elle est précise, moins il y a de dégâts. À bourse, le meilleur exemple. Vous prenez une bonne décision à l'achat et à la vente, c'est toujours des gains. Il vous faut des ressources à la bourse, de l'argent. À l'occasion, il faut un accompagnement pour faire un minimum d'études, pour avoir un bon système. Il faut un accompagnement pour l'exécution de vos commandes, le courtier. Il vous faut un accompagnement quand vous êtes fatigué émotionnellement, puis que vous avez besoin de dormir, puis que là, vous dites à quelqu'un qui connaît ça comme vous, tu prendrais-tu mon portefeuille, en tout cas, ne serait-ce que de m'avertir si jamais le marché fait telle chose. Fait que c'est encore de l'accompagnement. Mais si vous avez fait un achat au bon endroit, vous n'avez pas besoin de questionner. Vous pouvez même, avec des systèmes automatiques, fermer votre position dès l'atteinte d'un, ils appellent ça un stop limit. Un stop qui vous garantit que vous allez pouvoir vendre à tel prix. Puis vous avez aussi, en situation de, que le marché compte vous, donc vous n'avez pas eu la bonne lecture, vous avez des stop-loss qui vous permettent de vous sortir après une perte X, un montant qui est fixé d'avance. Donc, c'est sûr que moins il y a de crise dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez éliminer des tensions. L'attention, comme je l'ai dit, ça dépend d'une destinée. C'est nécessaire parce que dans un destin, il vous faut développer un minimum de contenance. Les gens qui ne prennent aucune tension dans la vie, c'est des gens qui n'ont pas de contenance. Donc, ils ont toujours besoin d'un accompagnement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces gens-là, s'ils ne sont pas mariés, ils meurent. Ces gens-là, s'ils n'ont pas de famille, ils meurent. Ces gens-là, s'ils n'ont pas d'équipe de travail, ils meurent. Ces gens-là devraient mourir parce qu'ils sont capables de rien faire dans la vie. Mais là, vous allez me dire, il y a plein de gens à l'hôpital. Ah, on vient de régler le problème des gens qui n'ont pas de contenance. Il y a des gens qui s'occupent d'être là pour que quand le petit vieux y chie, eux autres ont la job à temps de l'heure de ramasser la merde. Comprenez-vous? C'est que même des gens qui sont en crise perpétuelle font travailler des gens qui les accompagnent. Ça devient leur job. Des questions? L'action, c'est la seule chose qui libère l'individu de ses limitations. Parce que tu es aussi limité que tu n'agis pas. Puis il y a des risques à prendre dans la vie. Une expansion, c'est toujours une tension avant. Puis tu as la capacité de résoudre les tensions, c'est la mesure de ton expansion. Si tu vois, tu sais, les gens vont dire, j'ai pas d'expansion dans la vie. As-tu résolu tes tensions? Il y a des tensions avec une expansion. Moi, je suis tanné de voir du monde, puis je veux de l'expansion. Ça marche pas. Je peux pas avoir bien du monde, tu sais, 1 million de, je sais pas, moi, de clics sur quelque chose. Si je suis pas capable de sentir le monde, ça marche pas, ça, là. Faut que je résoudre ça. Faut que j'aille à des shows, à l'extérieur, des millions de personnes. Et bien de foule, tiens. Ou aller au forum, voilà, OK, là, se faire bousculer dans le corridor, puis tout le kit. À partir de là, je peux commencer à penser que je vais avoir de l'expansion. C'est vital, ça, là. Mais non, le monde, il va rester chez eux, puis allez, la planète, là, enrichissez-moi. Marche pas de même, pantoute. Il y a un paquet de petites lois occultes que les gens connaissent pas, qui font que les choses se font pas comme ils veulent. C'est des tensions subtiles ou des tensions que tu n'as pas conscience? Je comprends pas, là. Dans une tension. Une tension, c'est tout ce qui te crée une tension. Hein? C'est simple? Il faut que ça soit un événement. Avoir faim puis pas être capable de manger tout de suite, c'est une tension. Tu veux dormir puis tu peux pas y aller, c'est une tension. Une tension, c'est tout ce qui va. Je l'ai dit au début, c'est tout ce qui va à l'encontre de ce que tu veux ou de tes attentes. Tu sais, t'as trop d'attentes, ça peut être une source de tension. Comme tout, t'es pressé, c'est une grosse source de tension. Toi, tu veux que ça soit fait tout de suite, des affaires qui demandent d'être faites dans 3 mois, tu veux que ça soit fait tout de suite. C'est une tension. Mais dans le cas de mademoiselle ici, c'est sa lecture qu'elle veut que ça se passe vite qui crée une tension. Oui, oui. C'est le contraire. Ben. Oui. C'est la seule. La vision, la lecture, tu veux dire? Je sais pas. Ouais. Claire, tu peux pas y garantir quelque chose. Il faut qu'elle ait quelque chose. Il y en a qui ont une garantie, ça les relaxe. Elle, une garantie, ça ne relaxe pas. T'sais, tu vas dire à Claire, je te promets que tu vas manger dans 3 heures. Si elle a faim tout de suite, ça ne règle pas son problème. Donne-y des pinottes, donne-y une gomme, donne-y quelque chose. Il faut que sa mâchoire travaille. Lecture, ça soulage pas. Ça dépend des gens. Moi, je suis un gars qui a une lecture, ça me soulage parce que je sais que je vais le faire. Moi, j'ai la capacité d'agir. C'est ce que je lis. Mais quelqu'un que sa vie est jonchée de pensées non agies, qu'est-ce que tu penses que ça fait, toi, de dire quelque chose? Ça dit, ça fout rien. Il y a des personnes à qui tu parles pour rien. Tu parles juste pour passer le temps là, là. Mais demain, dans 10 minutes, ou quand la conversation va être finie, ils vont revenir aussi stressés parce que ils ne agissent pas. Quelqu'un qui agit pas, c'est un handicapé mental, là, c'est pas compliqué. Il est complètement à merci des autres. Moi, lecture égale action. Si une lecture égale pas action, il n'y a rien à foutre avec ça. Moi, j'élimine toutes les bonnes idées que je peux pas agir. J'en ai des bonnes idées, mon homme, c'est hallucinant. Là, quand j'étais dans l'histoire de site, je disais, faudrait que je fasse un site pour les armes. Faudrait que je fasse un site pour telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Hey, j'étais en train de me booker là, jusqu'au mois de décembre à la fin de l'année à faire des sites. Là, j'étais rendu, je capotais, je pourrais faire les sites des autres, hein, faire un site pour Alexine avec ses images, puis connecter ça sur Twitter, puis tu sais, puis de fin, ça lâchait pas dans le coco. Mais je vais-tu agir? Là, il arrive un stage. Je n'ai plus de ressources. Moi, ma ressource, c'est avoir du temps. Mais si j'ai pas de temps, là, bullshit, je peux pas faire ça. Ah ben, écoutez, c'est merveilleux. Au niveau des tensions, tu disais que les tensions, c'était notre programmation, on ne pouvait pas, que ça faisait partie de notre destin. Je dis, ben, un destin, ça inclut beaucoup de tensions. Okay. Oui, parce qu'il faut que tu développes de la contenance. Tu dis, on monte tes bébés, tu es pris en charge par tes parents, tu es pris en charge par un réseau social, puis on t'éduque à l'école, puis tout ce qui est éducation, c'est des tensions. Un professeur, c'est une personne qui te fouette constamment pour mettre au pied du mur ton intelligence, mettre au pied du mur une capacité de vivre, une capacité de te créer un mode de vie, tout ça. Puis c'est des tensions que toute ta vie, tu passes beaucoup de temps à résoudre pour justement avoir de la contenance et éventuellement avoir une compétence, devenir une ressource pour les autres dans leur situation de crise. Quand tu es mère de famille, là, viens pas me dire que les enfants, ils passent pas par des crises. Bon, ben c'est ça que ça sert un parent. T'sais, moi, je dois dire, un homme et une femme qui n'ont pas d'enfants, ils connaissent 50% de la vie. Ils connaissent leur vie, mais ils connaissent pas la vie. La vie, c'est quand tu t'occupes des autres. Donc, pour ça, je donne beaucoup de crédit à des gens qui ont des enfants. Puis j'en donne beaucoup moins à ceux qui n'en ont pas. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience. C'est juste parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils devaient donner un doctorat à tous ceux qui élèvent des enfants. Puis les amener à sortir de la survie. C'est bien beau avoir des enfants, mais Christ, si t'es viol ou si tu lui fais vivre un paquet de patentes qui sont plus diminuées qu'à la naissance, là, c'est sûr que c'est pas. Tu n'auras pas de doctorat là. Là. Mais c'est bien éduquer un enfant, là, si bonac. Moi, je n'ai eu un, mais j'aurais pas voulu en avoir deux. Là. Mais celui que j'ai eu, là, mais je m'en suis bien occupé, bien content. C'est pas ça le monde dit, oh, wow, t'es intelligent. T'es intelligent, t'as quoi, là? T'as un diplôme de quelque chose? Tu payes tes comptes? C'est pas assez, ça, là. Commence à payer les comptes d'un autre, toi, là.